neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Bistro Lapinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la Bistro Lapinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. La Bistro Lapinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Errantes et errants sauvages des ondes radiophoniques, chaperons roses et noirs des mondes étourdis, bienvenue à la Distro Lapinothèque du mois de mai 2022. Pour ouvrir les hostilités affectueuses, notre très chère mayonnaise locale nous a concocté un petit interview exclusif de la ZAT de la Chartreuse à Liège. Il s'agit d'une ZAT un peu spéciale puisqu'elle se situe en ville. Alors, on fait un update, nous avons appris ce lundi 23 mai par voie de presse ennemie que les promoteurs immobiliers Matexi ont malheureusement obtenu le droit d'expulser les zadistes de la Chartreuse. Après, ça ne les empêchera pas de résister. Ensuite, on ira faire pampan fusil avec les principes fondamentaux de la stratégie militaire de Karl von Clausewitz, ami cyber-maoïste libertaire, à table. Au milieu de l'émission, il y aura l'agenda de nos prochaines sorties d'Istro Lapinothèque. Et pour finir gaiement, poussez le mobilier Louis XV, chaussez vos high heels, on jettera des paillettes un peu partout avec la section Disco Lapinothèque. Bonne écoute! Vallée des Sousa, des milliers de mercenaires ont envahi nos zones libres. Mais dites que nous sommes zadistes et que nos rêves sont purs et nous n'avons pas peur des guépis. Oh vache, mort au Condé, vive les enfants de la ZAD, à basse tasse. Cocktails Molotov contre leur char blindé. Je me souviens très bien de ma première manif. J'étais gentil tout plein, bon citoyenniste. Jusqu'à mon premier poivre, en plein dans les deux yeux. J'étais plus pacifiste mais bien vénère contre eux. Mort aux vaches et mort aux condés. Vive les enfants de la ZAD, la basse de la sûreté. Pas de grâce, non pas de pitié. Des cocktails Molotov contre leur char blindé. Ok, t'es plein de colère et sans résignation. Qui voulait tout changer, trouver des compagnons. J'en ai vu défiler des organisations. Prendre la contestation qui va me tourner en rond. Mort aux vaches et mort aux condés. Vive les enfants de la ZAD, à basse de la sûreté. Pas de grâce, non pas de pitié. Des cocktails Molotov contre leur char blindé. Depuis de squat en squat et en occupation, j'ai aimé mes copains, connu la répression. Révolté d'aujourd'hui, faites bien attention. Comme un simple gilet, on vous fout en prison. Mort aux vaches et mort aux condés. Vive les enfants de la ZAD, à basse de la sûreté. Pas de grâce, non pas de pitié. Des cocktails Molotov contre leur char blindé. À mon enterrement, 300 zadistes dansent et 300 gilets jaunes me porteront en France. Et dans le cortège de tête, on criera très fort. Si elle n'était pas morte, elle lutterait encore. Et mort aux vaches et mort aux condés. Vive les enfants de la ZAD, à basse de la sûreté. Pas de grâce, non pas de pitié. Des cocktails Molotov contre leur char blindé. Mort aux vaches et mort aux condés. Vive les enfants de la ZAD, à basse de la sûreté. Pas de grâce, non pas de pitié. Des cocktails Molotov contre leur char blindé. Vive les enfants de la ZAD, à basse de la sûreté. Pas de grâce. Salut, bienvenue. Du coup, ici, on est à la Z de la Chartreuse, pas loin de Liège, avec... tu veux te présenter ton prénom ? Domi. Du coup, Domi, tu veux dire un peu c'est quoi le contexte ici, depuis quand vous occupez les lieux, comment ça s'est passé, pourquoi l'occupation maintenant ? Ok. Donc, on est là depuis le 27 mars. Donc, en fait, on s'est... ça fait un an, plus ou moins, qu'on s'est rapproché du collectif Un air de Chartreuse, qui défend le site depuis 4-5 ans. Ils ont... ils s'occupent vraiment de la défense légale. Donc sur, Un air de Chartreuse, c'est juste parce que j'avais lu un peu dans les communiqués, c'est une association citoyenne composée d'habitants du quartier. C'est ça, ouais. Des riverains essentiellement. Des riverains, ouais. Et tout ça est chapeauté par Occupons le terrain, qui a une autre orga qui est sur les luttes de territoire. Quoi. Et donc, Un air de Chartreuse a récolté des fonds pour aller au Conseil d'État pour empêcher le projet immobilier ici. Le projet immobilier de... De Matexi. Ouais. Hein, donc, je disais, il y a 3 ou 4 révisions du projet. Donc, ils étaient à 74 logements à la base. On est passé à 48. Donc, ça fait quand même depuis 2008, je pense, qu'ils sont propriétaires. Donc, ils ont quand même dû faire face à pas mal de contraintes sur leur projet par rapport à la contestation des riverains. Mais voilà, le projet final, c'est 48 unités ici. Et, mais sur la même surface et au final le même dégât, quoi, à part qu'il y a un peu moins de logements. Et du coup, quelqu'un demandait c'était quoi qu'il y avait ici avant ? Donc, avant ici, c'était une zone militaire, en tout cas c'est l'armée qui était propriétaire du site. La zone où on se trouve, c'était des dalles où il y avait des entrepôts, du matériel militaire, véhicules, etc. Ils ont concassé les dalles il y a, je crois, une quinzaine d'années, je suis pas trop sûr, mais du coup, ils ont retiré le gros et dessus a poussé une forêt pionnière. Ce qu'on voit ici, c'est une forêt qui est née sans intervention de l'homme, quoi. C'est des saules, des hêtres, des chênes, on a fait des relevés, il y a 150 plus ou moins arbres par 25 mètres carrés, quoi. Donc, tu disais c'est une zone, du coup depuis 15 ans l'armée a plus sur les lieux et ça fait 40 ans que c'est démilitarisé. Okay. Et puis il y a eu des interventions pour enlever une partie de la dalle, quoi, mais tout ce qu'on voit ici, c'est vraiment une forêt pionnière, quoi. C'est la partie... Ouais. Et depuis une quarantaine d'années, du coup, la forêt a poussé, et c'est un lieu de passage, de promenade pour... Voilà. Le site est grand, la Chartreuse, c'est 38 hectares. Il y a une zone de la ville qui a été un petit peu urbanisée, disons qu'ils ont fait des petits chemins de promenade bétonnés, etc. Donc ça, c'est le parc des Oblats qui se trouve de l'autre côté. Mais les riverains passent par la zone Matexi depuis toujours pour promener leurs chiens, pour se détendre. Pendant le Covid, il y a eu énormément de passages. C'est devenu vraiment un lieu de où on se sentait pas oppressé par toutes les mesures qu'il y avait dans le centre-ville. Donc il y a eu énormément d'afflux de gens. Beaucoup de gens sont réintéressés à la Chartreuse depuis la crise sanitaire parce que c'était le seul, un des seuls endroits où on pouvait s'y promener sans mesure imposée. Ouais. Du coup, la zone Matexi, c'est un dixième environ de la Chartreuse au total. Oui, mais ça, je n'aime pas trop cet argument, mais je comprends qu'on en parle. Le truc, c'est qu'il y a effectivement 38 hectares au total. Ici, la zone menacée, c'est 2,8 hectares. Mais en fait, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que les travaux vont se faire en 3 phases. Donc il y a la première phase Matexi ici. La deuxième phase, c'est le fort. Le fort a été racheté par un promoteur flamand il y a quelques mois. Et la troisième phase, c'est encore Matexi derrière le fort. Ils ont encore un peu plus de 2 hectares. Donc si on laisse faire la première phase, on perd 12 hectares de la Chartreuse. L'autre zone qui est propriété de Matexi, il n'y a pas de projet précis dessus. Ils n'ont pas encore de permis. Maintenant, okay. Il y a déjà Détiennent le terrain, juste. Ils sont propriétaires depuis longtemps. Et il y a un quota de logements qui a été défini par la ville ou la région wallonne, je ne sais pas. Mais, donc il y a, je pense que c'est 450 ou 470 logements autorisés sur les trois phases. Et ils doivent se répartir ce quota entre les trois zones constructibles. Quoi. Mais le permis a été accordé ici il y a un an. Donc la ville a donné le feu vert, donc il y a toutes les autorisations pour que Matexi puisse entamer les travaux. En fait, c'est ça qui s'est passé le 27 mars, quand on a fait un événement public pour rassembler les citoyens liégeois et les riverains et faire beaucoup de bruit autour de ça. C'est que Matexi avait envoyé un courrier à la ville en disant qu'ils allaient commencer les travaux semaine 13, donc à partir de lundi 28. Donc... Et du coup, moi j'avais lu, je sais pas si tu l'as encore dit, qu'il y avait un recours qui avait été lancé par l'asso, je n'ai plus le prénom, t'as dit. Un air de Chartreuse. Un air de Chartreuse qui a été rejeté, enfin le recours en urgence, et qu'il y en a un autre qui a été lancé au Conseil d'État, et que celui-là court toujours, mais qui va mettre longtemps. C'est ça, le recours au Conseil d'État, c'est une procédure qui prend 2 à 3 ans, ça fait qu'un an qu'elle est lancée. Ils ont, après un an, Matexi n'a pas attendu la décision du Conseil d'État. C'est dans leur droit apparemment, c'est légal, ils peuvent entamer les travaux avant cette décision, mais dans ces cas-là, bah, soit ils nous donnent raison, si le Conseil d'État donne raison aux riverains, bah, ils payent des amendes ou ouais. Ils remettent en état. Mais bon, une fois qu'ils ont commencé, quand on détruit une forêt, on ne sait pas remettre en état. Quoi. Donc les travaux devaient commencer le 28, ils n'ont pas commencé parce que vous étiez là. Voilà, exactement. Ouais. Et j'avais encore une question sur le projet. Dans le fort, c'est aussi du logement qui est prévu. Alors dans le fort, c'est un promoteur qui se dit spécialisé en rénovation de patrimoine historique. Donc ils arrivent avec un projet un peu plus respectueux de l'endroit. Enfin, c'est comme ça qu'ils présentent les choses. Donc ils veulent conserver du bâti. Mais bon, voilà, on sait très bien ce genre de promoteur... Comment ils fonctionnent, quoi. S'ils veulent de la rentabilité, ils vont faire des commerces au rez-de-chaussée, des logements haut de gamme aux étages supérieurs pour pouvoir compenser les pertes liées aux espaces commerciaux pas toujours rentables, des parkings souterrains, donc ça va faire un bordel pas possible ici, je pense que ça va se ressembler à un Maasmechelen village, un truc dans le genre, quoi. Donc je pense que personne n'en a envie de ça. Et du coup, moi, dans vos communiqués, du coup, je lisais un peu, il y avait, en tout cas, la raison de l'occupation, bah, une défense environnementale par rapport à cet endroit qui est un lieu de passage, un lieu naturel pour plein de personnes. Et il y avait aussi des textes où je lisais des choses par rapport au logement, par rapport aux difficultés de se loger. Et je voulais savoir, enfin, comment est-ce que vous avez une position un peu plus... Bah, la position, elle est très simple, c'est... On parle de problème de logement dans la ville de Liège. C'est pas en créant 48 unités sur une zone de 3 hectares qu'on va régler le moindre problème de logement sur Liège. Quoi. Ici, c'est destiné à une clientèle hyper aisée. Ouais. Je pense que la question du logement ne se pose même pas ici. Quoi. En tout cas, dans ce cas-ci, ça va rien régler du tout. Il y a un problème de logement dans plein de villes, notamment en Liège. Moi, j'ai fait de la rénovation pendant 15 ans. Je sais qu'il y a une quantité de bâtiments à rénover dans la ville. Et donc, voilà. Ici, je pense que ce n'est pas un argument de dire qu'on va régler des problèmes de logement en construisant sur cette zone. Le projet d'aéroport, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aéroport. Il y a des gens qui, dans d'autres régions, qui se disent bah, pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport. Parce qu'il y en a un déjà. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet quoi, qui date de 1967. Un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Projet grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire les cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes. Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile et dépassé. le coût de ce projet faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Alors il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries. Plusieurs milliards. Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés. Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action. Nous voulons prendre des décisions qui concernent nos vies. Nous voulons prendre des décisions qui concernent nos vies. Qui concernent nos vies. Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potager, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clown, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens. Est démolie pour les besoins du chantier de l'aéroport. Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour. Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD. Avec les ZAD, ou comment est-ce que vous vous y rattachez d'appeler ce lieu ici ZAD? Après, mais justement, c'était une question centrale avant de lancer cette occupation, c'est que on voulait pas être trop rattaché à cet imaginaire ZAD parce que c'est particulier, on est quand même en plein centre-ville, c'est un lieu qui reste ouvert, donc on ferme pas complètement, ça reste accessible à tout le monde. Ce qui est le cas des ZAD en général, mais bon, ici, le contexte est particulier, on est en pleine ville. Et donc on pensait plus à un quartier autonome, à une zone sur laquelle on ne pouvait pas nous imposer toutes les règles à la con qu'on nous a imposées pendant la crise sanitaire. Et on envisageait ça sous l'angle de la ZAD, mais avec d'autres possibilités, parce que ça nous enfermait un peu dans cet imaginaire. Et en fait, voilà, les choses font que on se retrouve dans un contexte de ZAD tout simplement parce que voilà, on occupe le terrain pour empêcher un. Et donc ça nous a un peu dépassé. Non, parce que j'imagine que vite les gens. Enfin, comme c'est devenu un imaginaire commun, et après on peut le définir, hein, mais. Enfin, on peut vite être taxé de zadiste. Mais du coup. Où on choisit le terme, on en fait. Enfin, c'est pour ça que je posais la question, comment vous vous définissez en lien avec les ZAD, tu vois. Mais ouais. Tu disais à un moment donné, on voulait justement pas. Trop être. On avait appelé ça zone verte à défendre, okay. Pour un peu jouer sur les mots, mais en même temps, c'était une autre manière d'amener le truc. Mais. voilà, je répète, le contexte de la ville et le fait que les riverains passent régulièrement, il y a des liégeois, liégeoises qui viennent juste une heure ou deux parfois, juste nous rencontrer ou passer une nuit ou deux, mais en gros, les occupants sont moins liégeois que de l'extérieur. Ouais. Il y a énormément de liégeois qui nous aident à... Qui soutiennent, qui sont hyper impliqués dans les groupes de communication, dans la logistique, etc. Il y a plein d'aides, mais des occupants sur zone, c'est vrai qu'on a un peu moins de liégeois. Là, proportionnellement, il y a plus d'aide extérieure. Ok. Et vous imaginez rester jusqu'à quand est-ce qu'il y a une perspective d'habiter ici à long terme, sous une autre forme d'habitat léger, tout ça ou... Oui, donc ici on commence des constructions, on fait des cabanes avec des gens qui nous aident à monter ces cabanes, toujours en respect avec le lieu. Donc on n'utilise pas de machines, pas de tronçonneuses, uniquement des outils à main. Et donc on a l'intention quand même de, tant qu'on n'est pas sûr des intentions du bourgmestre, de s'installer. Il a quand même donner des conditions à la non-expulsion, c'est que les règles de sécurité, d'hygiène et de troubles à l'ordre public soient respectées. Du coup, on fait tout pour faire les choses bien. Donc là, il y a une partie médicale qui est en train de se construire, il y a une douche solaire qui va être terminée, il y a trois toilettes sèches maintenant. On a un système d'évacuation d'eau usagée, enfin il y a plein de trucs qu'on essaie de mettre en place de manière pérenne pour pouvoir tenir dans de bonnes conditions. Ouais. Mais est-ce que il y a des négociations avec le bourgmestre et le propriétaire, comment ça se passe, où est-ce que... Ils sont venus en fait le 28, donc le lendemain de l'événement public qu'on avait fait. Pour rappel, on a fait un événement officiel le 27 pour rappeler aux riverains les enjeux et qu'on avait cette nouvelle que les grues allaient arriver. Et donc là, dans la foulée, on a proposé aux gens présents de faire des barricades avec nous. Donc en fait, ça a été un super moment parce qu'on était entouré d'enfants, de familles, de parents qui prenaient des bouts de bois, des morceaux de palettes et qui venaient avec nous faire les barricades. Et du coup, ça a lancé cette occupation. Et puis le lendemain, certaines personnes avaient commencé à mettre leurs tentes, on a commencé à faire des petites infrastructures ici. Et le Matixi a débarqué avec un huissier, une juriste et le chargé de projet. Donc le lundi 28, dès le lendemain. Et ils ne s'attendaient pas du tout à ça, quoi. Ouais. Donc ils avaient vraiment l'intention de commencer les travaux cette semaine-là. Ils ont lancé une procédure d'expulsion qui sera traitée par un juge le 23 mai, bientôt. Pour l'instant, on a eu un communiqué via la Meuse de Willy de Meyer, le bourgmestre, qui nous a dit qu'il ne délogerait pas tant que les règles d'hygiène, sécurité, trouble à l'ordre public soient respectées. Donc il n'y a pas vraiment de négociation ici. C'est un air de Chartreuse qui gère cette partie. Ouais, de négociation. Et vous êtes en lien avec un air de Chartreuse, quoi. Oui, Mais non, mais je disais, est-ce qu'il y a une perspective? Parce que par exemple, à la Z de Notre-Dame-des-Landes, il y avait une idée de on habite là, quoi qu'il arrive. Enfin, tu vois, il y a toute une partie d'occupants qui disaient à long terme. On va habiter cette zone, expérimenter collectivement. C'est le cas ici. Ouais. Du coup, il y a la volonté d'habiter aussi le lieu à long terme. Après, ce qu'on répond à chaque fois, c'est que combien de temps vous allez rester ici? La réponse, c'est tant qu'on n'est pas persuadé que le projet est abandonné, on sera là. Donc maintenant, en attendant, ça dépend le temps que ça prend, mais c'est vrai qu'on pourrait à terme maintenir une occupation. Mais du coup, s'il y a des gens qui sont parfois de passage, tu disais, il y en a qui viennent dormir une, deux ou trois nuits, et puis dès qu'ils restent plus longtemps, dès qu'ils viennent juste la journée, comment ça se passe les décisions collectives, à quel point c'est institutionnalisé, quoi, le fonctionnement collectif ici? Est-ce que ça complique les choses, le fait qu'il y ait des gens de passage? Ça complique un peu parce qu'il y en a qui sortent plus légitimes ici parce qu'ils vivent sur place. Mais voilà, il y en a qui s'impliquent énormément, qui ont des boulots sur le côté, mais qui participent aux AG, qui font un gros travail de com et qui font de la presse sauvage. Il y a toute une multitude d'interventions de personnes extérieures, mais qui en fait sont aussi actives que ceux qui occupent la zone. Donc, il y a des AG régulièrement. En gros, c'est pas parce que tu vis pas sur zone que t'as pas ton mot à dire. Donc il y a des AG plus larges avec plus de personnes invitées. Parfois même les riverains sont invités à certaines AG publiques. On a fait une comme ça où c'était intéressant. Mais donc c'est un peu à trois vitesses quoi. C'est vraiment. Soit hyper large avec les riverains, soit occupant plus les intervenants extérieurs. On est fort aspiré des ZAD, mais aussi des squats. Il y a des squats qui nous aident à s'organiser parce qu'ils ont une vraie expertise d'autogestion et que tout le monde n'a pas forcément. Ici c'est. Les deux sont liés, quoi. La lutte de territoire et proposer autre chose en termes de projet de société, quoi. Et du coup, c'est vers quoi comme genre de critique que vous ralliez aussi? Est-ce qu'il y a une critique, je sais pas, du capitalisme, oui, complètement, de la propriété privée, ici, du travail, enfin, ici, on, je pense que tous ceux présents sur zone, qui occupent, ont des parcours qui font qu'ils se retrouvent ici. Voilà, moi perso, j'étais indépendant dans le bâtiment pendant 10 ans, j'en ai eu plein le cul de cette vie, et j'ai fait du maraîchage, et je cherche à monter un projet de micro-ferme avec des potes, donc quand ça s'est présenté à moi, je me suis dit, c'est un super test pour notre projet, quoi. Et je pense qu'ici, on expérimente tous, quoi. Peut-être certains ont des expériences de vie en communauté, mais là, on part de zéro et on essaye de composer avec tous ceux qui sont là. Et c'est une expérience géniale, quoi. Mmh. T'as inventé votre propre manière d'ici, quoi, qui est liée à cette zone-ci, avec chacun vos parcours, quoi. Ça, quoi. Et c'est vraiment pas facile, hein. Mmh. Mais on voit toutes les difficultés aussi de faire cohabiter des gens. Il y a des punks qui ont débarqué, des féministes de Namur, il y a des gilets jaunes de Charleroi de Namur qui sont là. Et faire cohabiter tous ces gens-là, c'est pas toujours facile, mais c'est hyper riche, quoi. Donc là, on est qu'au début, mais c'est l'expérience, j'espère qu'elle va durer Quand longtemps. Tu dis un peu de confrontation entre ces différents réseaux, milieux ou quoi, est-ce que tu as envie de raconter un peu des discussions ou des thématiques de controverses qu'il y a pu avoir et sur lesquelles tu sens que ça bouge ou quoi? Je sais pas si tu as une idée en tête, comme ça tu te rappelles de... Ouais, il y a les notions de sécurité qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Ceux qui ont vécu la ZAD d'Arlon, ils ont quand même vécu un petit trauma par rapport à l'expulsion hyper violente. Donc il y en a qui sont quand même plus anticipés par rapport à ils sont plus à cheval sur les règles de sécurité. Mm-hmm. Il y en a qui sont là qui sont là pour mettre en valeur le site au niveau de la biodiversité, etc. Et tant mieux, je veux dire, chacun a un peu son angle, son approche par rapport à cette occupation. Mais ça fonctionne quand même, malgré des grosses tensions parfois avec certains, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout et on doit régler ça via des processus. Soft, et on doit pas, on essaye de mettre ça en place, et c'est pas toujours facile, quoi. J'étais tranquille, j'étais peinard, bien au chaud dans mon lit. D'un coup l'huissier en a eu marre, m'a dit de dégager d'ici. On s'est trouvé devant le tribunal, paraît qu'on faisait quelque chose de mal. Vous occupez des maisons vides, c'est trop stupide. J'parie que vous travaillez même pas et qu'en plus vous l'avez pas. Les maisons que vous habitez, s'il les veut pour faire du blé, le mieux ce serait leur destruction. Moi j'ai dit, laisse béton. Il nous a dit de la fermer, on s'est mis à chanter. On sait que ça va chauffer, on s'en fout, on est prête. J'étais tranquille, j'étais peinard, je cultivais mon potager. D'un coup j'ai vu passer des cars, blindés de policiers surarmés. Ils ont rampé dans mes courgettes, ils m'ont regardé d'un air bête. T'es sur les terres de Vinci, hein. Dégage d'ici. Ils avaient beau se la péter, on était bien barricadés. Leurs hélicos, leurs lacrymos, on trouvait ça très rigolo. On se croyait dans un film d'action, moi j'ai dit laisse béton. Ils ont voulu nous taper, on a chouré leur matraque. Là ils ont paniqué, on a gardé nos baraques. J'étais tranquille, j'étais peinard à saboter cette société. Quand deux, trois débiles en costard ont décidé d'aménager pour contrôler la vie de chacun, Vinci ne recule devant rien. Rien à foutre de tous ces gens, faut faire de l'argent. Bétonner des terres agricoles et faire une grande mégalopole. Fais confiance à Jean-Marc Ayrault, il est complètement mégalo. Ils veulent imposer leurs avions, moi j'ai dit laisse béton. Et à chaque forage, on fait un sabotage. On les emmerde sans arrêt, ils abandonnent leur projet. La morale de cette belle histoire, c'est que pour détruire le capital, pas besoin qu'on attende le grand soir pour qu'ils tombent de leur piédestal. Quant à la fin d'une chanson, ils se retrouvent à poil et sans flic. Pas besoin d'imagination pour trouver la chute magnifique. Et de cette émission, du coup, elle va être diffusée plutôt à Bruxelles. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que tu auras envie de dire, vous aurez envie de dire des choses venez. Aux Bruxellois qui sont sensibles à ces questions-là? Ouais, non, mais on attend en fait. On sait qu'il y a des gens qui vont débarquer parce qu'on arrive fin mai bientôt, les examens vont terminer. Donc, on prépare pas mal la suite parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup plus de monde qui va débarquer bientôt. Donc, moi, j'invite tout le monde, bruxelloise et bruxellois, à venir même passer un week-end, prenez votre tente, venez voir ce qui se passe ici et reproduisez ça partout où c'est possible. En gros, ça, après Arlon, il y a beaucoup de gens qui ont été un peu déçus de la finalité. Ici, c'est un autre rapport de force avec la ville de Liège. On peut vraiment avoir des résultats et c'est... C'est un contexte complètement différent d'Arlon, mais ce sera, pour moi, il y a des grandes chances que ça en aboutisse. Et pour ça, c'est intéressant que les gens viennent voir ce qui se passe, comment ça se déroule ici, pour pouvoir le reproduire partout où il y a des projets nuisibles. Quoi. C'est comme ça qu'on... Voilà, l'idée, c'est de montrer ce qui se passe ici et que ça donne envie ailleurs. Et pour être au courant de ce qui se passe ici, du coup, parce qu'il y a des moments qui sont publics un peu plus... Enfin, il y a moyen de venir un peu tout le temps, tu dis, et il y a aussi moyen de venir à des moments publics. Non, j'avais vu un petit peu sur la... Chartreuse occupée. Ouais, il y a un site aussi de... Un air de Chartreuse. Alors, un air de Chartreuse a son site, ouais. Qui est bien foutu d'ailleurs. Il y a pas mal de cartes, etc. On peut retracer l'historique pour ceux que ça intéresse. Mais en ce qui concerne l'occupation, oui, il y a la page Chartreuse occupée. Je pense qu'il y a un compte Instagram aussi. Ok. Eh ben, merci. Avec plaisir. Présence. Et du coup, bienvenue à tous à cette de la Chartreuse. Exactement. Salut. Salut. Toute la haine qu'on donne à notre ADN, puisque même dans ta prison, décidé de tenir. Même dans ta prison, on dira pas notre nom. Ça va te foutre la haine, qu'on donne pas notre ADN. Puisque même dans ta prison, on dira toujours non. Au lieu de réfléchir, on a décidé de tenir. Même dans ta prison, on dira pas notre nom. Ça va te foutre la haine, qu'on donne pas notre ADN. Puisque même dans ta prison, on dira toujours non. Un dernier petit mot sur les chants qui sont présents dans le montage. Donc la première chanson qu'on a entendue, elle s'appelle « L'hymne de la Zablière » et elle vient de la ZAD d'Arlon, chantée par les occupants et les occupantes. Elle est trouvable sur SoundCloud. Ensuite, on a entendu « Notre dub des Landes » de Debamix, qui est trouvable sur Internet aussi. C'est une chanson qui date du moment de 2012, à la première tentative d'expulsion par la gendarmerie et par l'État, qui fut un échec. Et les deux dernières chansons qu'on a entendues, c'est « Laisse béton » et « On dira pas notre nom ». C'est des chants anonymes qui ont été écrits par les occupants et les occupantes de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avant 2012 même. Vive les luttes par les chansons et bonne soirée à tous. Salut. On s'écoute. Bons Ariens de La Marmite, c'est une vieille version sans esgypte. Alors, autant vous avertir, ce qui suit ne vous aidera certainement pas à mieux jouer à des parties de jeux de société Risk, ni à Donjons et Dragons, ni non plus aux jeux vidéo Wargame. Vous connaissez certainement cette fameuse maxime « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens » ou encore « La guerre n'est jamais un acte isolé ». Ces citations sont d'un certain Karl von Clausewitz. Eh bien, c'est de ce très cher stratège militaire que nous allons causer dans quelques instants. On tentera de vous donner l'envie ou l'inverse de découvrir les principes fondamentaux de stratégie militaire, manuel pédagogique écrit en 1812 par ce très cher Boutantrain Karl von Clausewitz. Avant de rentrer dans le cœur de la stratégie militaire, rappelons en quelques coups de sabre qui est ce fameux Karl von Clausewitz. Karl Philipp Gottlieb von Clausewitz, né le 1er juin 1780 à Burg, c'est en Prusse, il est officier général et théoricien militaire prussien. Écrivain prolifique et stratège, il est l'auteur en particulier d'un traité majeur de stratégie militaire intitulé « De la guerre », publié post-mortem par son épouse Marie Van Brühl à partir de ses notes. Pour situer, Karl von Clausewitz est issu de la noblesse. En 1812, refusant la collaboration militaire avec les Français, il quitte la Prusse et rejoint l'armée impériale russe. Il laisse au prince héritier Frédéric Guillaume un ouvrage qui s'intitule « Des principes de la guerre » dont il est question dans cette émission. Il meurt en 1831 des suites du choléra à Braillot. On ne vous racontera pas plus de détails trépidants de cet officier général et surtout théoricien de la guerre. Voyons ce que raconte son livre et ayons en tête qu'il s'agit d'un manuel destiné au prince héritier de la Prusse. Pour bien saisir la méthode de Clausewitz, citons un bref passage de Grégoire Chamaillou, qui est le traducteur et postfacier de l'édition que nous vous présentons. Ainsi, en assumant la dépendance absolue de la théorie de la guerre à l'expérience historique, Clausewitz échappe à la contradiction qui mine habituellement les discours sur les principes éternels de la guerre. Pour prouver leur validité universelle, on commence par les vider de leur contenu historique. On en fait des lieux communs, des généralités creuses. Pour prouver ensuite l'importance de ces principes sur le plan militaire, on réintroduit des exemples historiques auxquels les principes ne s'appliquent en fait que parce qu'ils en dérivent. Clausewitz assume au contraire pleinement cette circularité. Si ces principes s'appliquent à l'histoire récente de la guerre, c'est qu'ils en expriment l'expérience accumulée, et non parce qu'ils vaudraient a priori pour tout conflit. D'où cette conséquence pour le lecteur auquel Clausewitz fournit en quelque sorte le mode d'emploi de son ouvrage. Il faudrait sans cesse confronter les principes de l'expérience pour les corriger, les actualiser. Faute de combat réel, le prince commencera par lire l'histoire des batailles. Les livres de chevet de Clausewitz ne sont pas des traités de philosophie, mais des récits, les mémoires de son protecteur, le général Schnarrhorst, les campagnes du grand roi Frédéric II, les batailles de Napoléon. Clausewitz écrit une théorie de l'art de la guerre, non une science de la guerre. Dégager les principes actuels d'une pratique mouvante, expliciter des formes de rationalité immanentes à des façons transitoires d'agir, ce n'est pas énoncer les lois invariables de toute pratique. Le prince doit aussi savoir qu'il y aura toujours un écart entre les principes et leur mise en œuvre. La conduite de la guerre ressemble au fonctionnement d'une machine complexe, dont les pièces frottent. Avec cette comparaison, Clausewitz esquisse l'une de ces notions qui deviendront centrales dans son grand traité de la guerre, le concept de friction, défini comme ce qui distingue la guerre réelle de ce que l'on peut lire dans les livres. Alors, comme je le faisais remarquer en début d'explication, c'est un manuel destiné à Frédéric Guillaume, qui est le prince héritier de la Prusse. Il n'est âgé que de 16 ans, du coup les principes sont relativement vulgarisé. Mais ça n'empêche que ça reste très intéressant. Alors je vous fais une brève synthèse du sommaire de ce manuel. Donc nous avons des principes généraux, puis après il y a tout un chapitre sur la défensive, ensuite l'offensive avec le principe de l'emploi des troupes, la cavalerie, les tirailleurs, les chasseurs, les fusilleurs, l'infanterie, l'artillerie. Il y a toute une série de schémas dont Clausewitz fait plusieurs propositions de principes à tenir en tête. Il y a aussi tout un chapitre sur le principe d'utilisation du terrain, donc le type de sol, la région, les obstacles naturels, comment on l'utilise au niveau défensif et offensif. Tenez, je fais une petite citation préconclusive du chapitre sur l'utilisation du terrain. Ne jamais tout attendre de la force du terrain et par conséquence ne jamais se laisser entraîner à adopter une défense passive en raison d'un terrain fort. Car si le terrain est fort, au point de rendre impossible à l'attaquant de nous en déloger, ce dernier cherchera à le contourner, ce qui est toujours possible, et ce qui rend alors superflu le fait même d'avoir le meilleur des terrains. Nous serons alors obligés de livrer bataille dans de toutes autres conditions, dans une toute autre région. Il n'y aura donc servi à rien d'avoir entré la première position dans nos combinaisons. Mais si le terrain n'est pas d'une telle force, une attaque y demeure alors possible. Et les avantages de ce terrain ne compenseront pas par conséquence les inconvénients que présente une défense passive. Tous les obstacles du terrain ne doivent donc être utilisées que pour une défense partielle, afin d'exercer avec peu de troupes une résistance relativement grande afin de gagner du temps pour l'offensive par laquelle on cherche à remporter la véritable victoire sur d'autres points. Voilà, alors plus loin, Clausewitz développe tous des aspects psychologiques et mentaux, dont l'aplomb et l'influence, suite à des différentes informations qu'on a obtenues sur l'ennemi, mais aussi sur des défaites ou des victoires qu'on peut avoir eues et dont nos interprétations peuvent influencer notre manière d'agir en tant que grand stratège militaire que nous ne sommes évidemment pas. Alors au niveau critique, ne vous attendez pas à un grand exposé puisque c'est un premier traité sur les questions militaires et stratégiques. Son grand ouvrage, c'est De la guerre. Donc ceci est un ouvrage assez court. C'est un avant-goût. Par contre, ça met en avant une dynamique de réflexion assez dialectique sur les théories et pratiques de la guerre. Il faut remarquer que si certaines règles valent pour une époque, évidemment, les systèmes technologiques ont évolué radicalement et donc il y a des particularités qui sont à revoir. On pense notamment à l'aviation et au bombardement ciblé point stratégique qu'à l'époque, ça n'existait pas. Du coup, voilà, ça reste intéressant dans sa dynamique réflexif. Évidemment, c'est un ouvrage qui est daté. Voilà, donc c'est disponible à la Distro Lapinothèque en prix libre. Voilà, c'était en quelques mots, principes fondamentaux de stratégie militaire de Karl von Clausewitz, écrit en 1812 et réédité aux éditions Millénie. Nouveau titre pour Enfant sauvage, entrée du tunnel. Et voilà, c'est l'heure de l'agenda des sorties du mois de mai. Prenez un vieux bic et de quoi noter. Alors la distro La Pinothèque sera comme tous les vendredis de 19h à 21h au Zotmorgen, 32 rue de la Grande-Île à Bruxelles. Le samedi 28 mai, on sera à deux endroits en même temps. On sera d'une part au Vivarium à la Cheminée à Bruxelles. Il y aura des concerts et autres surprises, de quoi boire et manger sur place. Et en même temps, nous serons ce samedi 28 mai à 18h au quartier de la Baraque, au Bulle, donc c'est rue de la Baraque à Louvain-la-Neuve. Il y aura un concert de l'EM, donc c'est de l'électro-pop en français, et DJ Moroïd, plus la Lapinothèque et quelques autres joyeusetés. La distro sera également de sortie le mercredi 1er juin au Bunker, les mercredis du fanzine. Donc ça, c'est à partir de 18h au Bunker, c'est rue des Plantes 66A à Bruxelles, près de la Gare du Nord. Ensuite, on vous rappelle qu'on sera le samedi 25 au Festival du Petit Cheval Déchaîné avec... En concert, La Fraction, Belly Hall, Freak, Julie Colère, La Marmite et encore plein d'autres surprises, dont des ateliers radio organisés par Radio Air Libre. Et donc, ça c'est au Cheval Déchaîné à Vierre-sur-Vierouin, rue de la Juissière, pas très loin de Couvain. Si vous désirez plus de détails, allez sur notre blog les lapinselectrique.blogspot.com. La distro à la radio, c'est tous les derniers mercredis du mois sur Radio Air Libre 87.7 à 20h30 et en rediffusion les vendredis qui suit à 21h. Tous les podcasts se trouvent donc sur notre blog, la distro La Pinothèque. Donc c'est leslapinselectrique.blogspot.com. Vous pouvez nous écrire un courriel à lapinothèque@riseup.net et vous inscrire sur notre mailing list pour recevoir les infos radio et autres sorties. Allez, on poursuit avec la disco La Pinothèque. Amis cyborgs, bonsoir et bienvenue dans la section Disco La Pinothèque. Au menu de ce soir, un peu de Dance Black Power et on en profite pour causer du Snap événement artistique qui se déroule ce week-end et qui est organisé et produit par les travailleuses et travailleurs du sexe. Puis on passera à un registre plus rock Bad Wave pour finir avec de l'électro-spatial. Aux manettes, votre humble servitrice, la tigresse sulfureuse des ondes. Pour ouvrir le bal, on écoute un mix spécial Kim Forever avec le titre « Effondrement ». Oh,

tight, and you don't want that. Voilà, vous aurez reconnu le fameux titre de Snap. Et ça nous permet de rebondir justement sur le festival Snap des travailleurs et travailleuses du sexe ce vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 à Bruxelles, au Bruxembourg, au Nova. Il y aura des expos, performances, films, discussions, DJing. Et bien plein de choses encore. Vous pouvez avoir toutes les infos précises sur les événements sur snapfest.org. Et on s'écoute Crystal Castel avec le titre Kérosène. Laissez courir la musique et je ferai la désannonce des morceaux que vous aurez entendus. Thank you. Children, if you see me crying, don't worry.

déjà. Ha ha. this is gone. There's always force. And when force is gone, there's always mom. Hi, mom. Il s'agit d'un maxi de titres El juego de las televisiones inspiré de complications amoureuses. C'est comme boire un café avec Ian Curtis et Marley. Le tout de la main du compagnon par-delà les océans Bruno Cagliardi, Woman is Gone. Il s'agissait du groupe Brain Damage and Death, groupe mythique bruxellois en live. Doppler Effect, Jenny Silencing, Laurie Anderson. Et c'était la Disco Lapinothèque. On vous donne rendez-vous au mois prochain. Et salut! Be very, very quiet. I'm hunting rabbits. Une invasion de lapins eut lieu et menace toujours. Des lapins si nombreux qu'ils mettent la vie de l'homme en danger en dévorant ses récoltes et détruisant ses biens. C'est le matin, et il dormait bien. Il ne savait rien, et il se sentait bien. Il ne pensait à rien, et c'était mieux que rien. Il dormait le matin, et on met des lapins. La